Le hasard, par Jean Rebrard. Le hasard, dit Louis Fraget, cette providence des inventeurs et des policiers, se plaît parfois à nouer puis à dénouer de si singuliers imbroglios que l'on serait tenté d'imaginer quelque génie dont la malice indulgente n'en userait avec nous que pour se divertir. Au temps où j'étais magistrat, une instruction me fut un jour confiée qui tout d'abord me parut d'une simplicité enfantine. Une jeune femme, une femme du monde, avait été trouvée morte, baignée dans son sang, un revolver à ses pieds, dans une chambre d'hôtel. L'hôtel était une de ces maisons que rien ne signale extérieurement et que recherchent les amours discrètes. Et ce jour-là, en effet, à peu d'intervalle, deux couples s'y étaient présentés sur qui s'étaient refermées les portes des chambres numéro 17 et numéro 20, toutes deux situées au même étage. Or, d'après l'affirmation circonstanciée des gens de l'hôtel, l'un des couples venait de se retirer lorsque la détonation d'une arme à feu avait mis la maison en émoi. On s'était précipité vers le lieu du drame ou de l'accident, et dans l'escalier, on s'était heurté à celui des deux clients qui demeuraient, lequel, loin de fournir une explication ou de retourner sur ses pas, s'était borné à indiquer la direction de la chambre 17. Même, il les s'éloignait, si la chambre ayant été ouverte, la tenancière de l'hôtel, en présence du spectacle qu'elle offrait, n'avait fait fermer la porte de la rue en même temps qu'elle téléphonait au commissariat. À première vue, l'idée d'un suicide était acceptable. Il était à remarquer, cependant, que le revolver n'était point dans la main de la victime, mais sur le tapis. Et d'autre part, si la déflagration de la poudre avait brûlé les cheveux et noirci la peau vers la tempe, le même effet pouvait tout aussi bien avoir été produit en cas d'assassinat, le coup étant tiré à bout portant. Mais ce qui, plus encore que tout le reste, écartait l'hypothèse du suicide, était l'attitude inconcevable de l'homme que les gens de l'hôtel avaient retenue. Non seulement il niait avoir été surpris en train de fuir, mais il prétendait que la victime n'était pas la personne avec qui il se trouvait. Cette personne, d'après lui, était partie quelques instants plus tôt. Lui-même, pour ne pas la compromettre à la sortie, avait attendu un moment avant de se retirer à son tour, et il descendait tranquillement quand il avait entendu, comme tout le monde, le coup de revolver. Cette invraisemblable explication perdait toute valeur devant l'affirmation des gens de l'hôtel. Celui-ci avait vu parfaitement sortir, non point isolément, mais ensemble, un monsieur et une dame, l'autre couple, par conséquent, et si bien cet autre couple, que des paroles s'échangeaient entre ces personnes et qu'elles s'étaient saluées en se séparant sur le seuil. L'affaire en était là quand elle me fut confiée. « C'est bien simple, dis-je à l'inculpé, invoquer les témoignages de la personne qui vous accompagnait. Je ne puis le faire, répondit-il, et même la chose serait si grave pour elle que si je savais qu'elle eut l'intention de se livrer, je serais le premier à le lui déconseiller. Je veux espérer que, comme moi, elle aura pleine confiance en la justice. » De telles défaites ont trop servi. Celle-là devait réussir d'autant moins que si j'admettais la version d'un hasard amenant la rencontre de son ami avec le monsieur de l'autre couple, cette personne ne m'apparaissait point mériter une telle discrétion, alors qu'elle avait lié conversation aussi aisément avec un inconnu et dans une circonstance aussi délicate. Une professionnelle passe, mais une femme du monde. Je dois ajouter que l'inculpé était, jusque-là du moins, un homme parfaitement honorable. Que l'enquête ne révélait point qu'il eût pu avoir antérieurement, à un titre quelconque, de relation avec la victime, et que rien non plus ne m'avait appris à qui, d'elle ou de lui, appartenait le revolver abandonné. Ces obscurités, toutefois, n'étaient pas pour m'arrêter, et ma conviction, déjà établie par tant d'invraisemblances, se confirma jusqu'à la certitude, lorsque, prié de décrire la chambre qu'il prétendait avoir occupée, le numéro 20, l'inculpé ne put fournir que des indications vagues, applicables à toute chambre d'hôtel, sous le prétexte que les rideaux étaient tirés et qu'il n'avait guère songé à inventorier le mobilier. J'allais donc boucler mon dossier en concluant la mise en accusation lorsqu'un détail, relevé lors des premières constatations, me frappa tout à coup. Avant le crime, la victime avait pleuré. Le visage de la morte portait des traces de larmes, et plus encore, son mouchoir en était trempé. Une réflexion m'obséda. Un homme comme celui-ci, pensais-je, un homme bien élevé. Ne tue pas ainsi, froidement, une femme qui pleure, qui vient de pleurer longtemps devant lui. Je me voyais donc ramené à l'hypothèse d'un suicide. La cause en paraissait tout indiquée. L'inculpé était l'amant de la victime, Il rompait, malgré toutes les supplications, et la jeune femme se tuait de désespoir. Sur cette voie, pourtant, une nouvelle réflexion m'arrêta. Car enfin, pourquoi, alors que l'aveu eût été si simple, cette complication, cette fable de l'inculpé, qu'il eût été troublé dans le premier moment, qu'il eût redouté de se voir compromis, soit. Mais quel danger courait-il à présent, et ne s'exposait-il pas, bénévolement, aux pires conséquences ? La vérité, une fois de plus, me glissait entre les doigts, quand un fait, en apparence insignifiant, l'arrestation d'un rat d'hôtel, attira inopinément mon attention. Une perquisition avait amené chez lui la découverte de lettres de femmes sans signature et d'un carnet de renseignements sur lequel j'en relevais, à côté de l'adresse de l'hôtel où avait eu lieu le drame, l'adresse, ajoutée après coup, d'une jeune femme connue dans la haute société parisienne. Ce rat d'hôtel était titulaire déjà d'une condamnation pour chantage, si bien qu'une naturelle association d'idées me fit penser tout d'abord que ces lettres, des lettres d'amour, étaient de la personne dont il avait noté l'adresse. Mais comment l'adresse de cette personne et l'adresse de l'hôtel se trouvaient-elles ainsi réunies ? Quel lien y avait-il de l'une à l'autre ? Soudain, une pensée me vint, si ces lettres étaient de la victime. Je doutais d'abord, je craignais de me laisser aller à mon imagination. Je me procure néanmoins l'écriture de la morte. Les lettres étaient d'elle. D'un coup, la vérité m'apparut. Je découvrais le soi-disant couple d'amoureux de la chambre 17. Le maître chanteur avait pris à l'hôtel rendez-vous avec la victime et là, il avait demandé des lettres à un prix si exorbitant que la jeune femme n'y avait pu souscrire. De là les pleurs, les supplications, le suicide enfin. Fort de la provenance des lettres, je n'eus pas grand-peine à amener mon rat d'hôtel jusqu'aux aveux. Dès lors, la personne dont il avait noté l'adresse en même temps que celle de l'hôtel n'était autre, évidemment, que l'ami qui accompagnait l'inculpé. Mon gredin s'était trouvé descendre en même temps qu'elle. Il avait remarqué son allure inquiète, prudente, et flairant déjà quelques nouvelles affaires, il l'avait bousculée comme par mégarde, afin de la pouvoir dévisager pendant qu'il se confondrait en excuses. Puis dehors, il l'avait suivie, découvrant bientôt son nom et son adresse, dans le but de la faire chanter à son tour. Et c'est ainsi, conclut Fraget, que le hasard de cette rencontre eût pu amener une nouvelle erreur judiciaire, si ce même hasard, en habile dramaturge, n'avait fait de cette rencontre où se nouait le drame le point de départ d'un nouveau chantage qui en devait amener l'heureux dénouement. C'était Le hasard par Jean Rébrard.